100% francês com Ricardo de Matos. Muito boa tarde e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do 100% Francês, que não perdeu tempo em começar já com uma grande recuperação, esquecida na maior parte das rádios francófonas. É que o trabalho de Guess Patti não se resume apenas àquele hit, grande hit de 1987, de nome Étienne, L'Homme au Tablier Vert. Foi outro, mais modesto, em 1990. E sem perder mais tempo, avançamos já para a primeira estreia de hoje. É precisamente com o vocalista dos bem-sucedidos Louise Attac, que agora a solo apresenta um estilo bem diferenciado. Mas ninguém se fez rogado. É um sucesso atual este Help Myself, Gaëtan Roussel. Arrivé au rond de l'eau cet été. s'arrêter. Si l'on nageait sans respirer, aurons-nous de l'air cet été? Tout le monde cherche à s'échapper. S'arrêter. Rune no 100% francês até 1986 com o grupo de Daniel Chenevet e Muriel Moreno, os Niagara. E agora seguimos à vontade, pelo menos até aos 120 km/h, é porque entramos na autoroute com os Le Tchad ao volante. Thank you. fechamos o último álbum de Depamas, repousar um pouquinho, até porque tem rodado por aqui com insistência, e recuamos até ao álbum de 2000, buscar um tema que nunca entrou no esquecimento até hoje, este Insalvi. Final da primeira parte do 100% francês deste domingo, com a nova formação que até já foi eleita para representar a promoção deste programa, os Paris Brune em Lei du Cyclone. Je t'ai rangé dans mes cartons. Je tourne au cou, je tourne. Plié dans un mouvement papier bulle. Sans toi, je tourne au ridicule. Tu m'as trompé, c'était banal. Je tourne fou, je tourne mal. Sans toi, je tourne en dérision. Mais dans le fond, tu vois, moi je tourne l'eau. fr.blogspot.com 100% francês com Ricardo de Matos. maior recuo na edição de hoje, de 1985 e ainda em ascensão de carreira, no terceiro de originais, os Andochina em Tizio Noir. De resto, o grupo que se mantém bem no ativo durante todos estes anos, com a voz de Nicolas Sirkis a assegurar a liderança. Entre nous et le sol, o último single de Christophe Willem, para ouvir agora no 100% francês. Thank you. Charme, fantástico tema futurista de Luís Vertigo em 2001, pelo menos a avaliar pelo videoclipe correspondente. A grande embaixadora atual da música em francês chega agora. Chim toca, por exemplo, em força na vizinha Espanha, não é nada habitual por ali, precisamente com este José, em estreia agora no 100% francês. Mais dis-moi, mais qu'est-ce que t'as avec toi bien? Ah, c'est ce qu'il y a, vas-y, crie un peu. Mais dis-moi, mais qu'est-ce que t'as avec toi bien?

100% francês. Música extra. Art Mango, Gino. 1992. On s'est quitté copain, mais je ne savais plus si me vis dans ta main ou te serrer la rue. La scène était mélange, je croyais qu'on jouait. Moi je faisais Gino, et toi tu t'en allais. Elles ne feront plus mal dans 2 millions d'années. Ces deux petites larmes que je t'ai vu verser. J'aurais dû réagir, te dire que je t'aimais. T'empêcher de partir, je préférais fumer. Et ce dernier baiser que je ne t'ai pas donné finira par sécher comme une fleur coupée. Nous ne ferons plus mal dans 2 millions d'années. Je te déverse. Patricia Cass, je le garde pour toi. 2007. Il a calmé tant de fois mes peurs. Il séchait si souvent mes pleurs. La vie se calme dès qu'il est là. C'est de moi-même ce que je ne dis pas. Si fragile et facile à aimer. Il a tant vécu qu'il en est usé. Il est la réponse à tout, mais pourquoi il est comme si tu étais déjà là. Tu vois, je le garde pour toi. Je le garde pour toi. Je le garde pour toi. Pour qu'un jour tu verras. temps j'ai tant de malheur, de présence au coin de mon cœur. C'est mes envies, mes désespoirs, le goût de mes larmes certains soirs. Si fragile et facile à aimer, il a tant vécu qu'il en est usé. Je suis quand même n'attendais que toi. Elle lui parlait et te parlait déjà. Tu vois, je garde pour toi. Je le garde pour toi. Je le garde pour toi. Ce moment-là, quand ta vie aura froid, comme la mienne aujourd'hui qui te parle de lui, et comme moi sans toi. Je le garde pour toi. Je le garde pour toi. Je le garde pour toi. Tous ces moments-là. Je le garde pour toi. Quand ta vie aura froid. Je le garde pour toi. Pour toi. Je le garde pour toi. Jules Caplan, La Grande Malle, 1993.